3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Sup, no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Qui sait qu'à les bons pronos ? Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Épisode 138. Il a un lui. Bon prono. J'en ai déjà eu deux ou trois depuis le début de la saison, j'ai pas fait le coq. Et qui c'est qui a eu le bon prono ? Alors, qui c'est ? Hey, c'est Bibi. Ah, ça va, Seb ? C'est tellement rare, il faut le souligner, il faut le fêter. Bravo, bravo, Joanny. Oui. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle de pronos, sans qu'on parle des Knicks. Bienvenue sur Avenix Week, KNF TV. On est de bonne humeur. On est de bonne humeur, bah oui, parce que les Knicks ils gagnent. Donc ça nous met de bonne humeur. Quand ils perdent, bah on est de mauvaise humeur. Voilà, c'est simple, vas-y. Binaire. Bon, on est parti sur l'épisode 138. Vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à se dire. On va parler quoi ? Italien ? Grec ? Chinois ? Je sais pas. Allez, c'est parti. On parle ça en francophone. En francophone de l'actualité des Bokers. Let's go. Hey, salade tomate-oignon, je peux te dire qu'il y avait des oignons, il y avait des tomates, la salade, du ketchup, de quoi on parle ? Des gros burgers, eh oui, des gros burgers, nos amis gourmands, nos amis de la KNF, nos adhérents, nos fidèles membres, étaient réunis hier pour la soirée, la seconde KNF Viewing Party de la saison. Cette fois-ci, c'était de la saison régulière, c'était pas de la pré-saison, et c'était pour la belle affiche du Orlando Magic qui revenait au Madison Square Garden. Ces vilains floridiens qui nous avaient fait tomber, c'est eux qui ont infligé la seule et unique défaite, oui, des Knicks à domicile cette saison. Et voilà, on avait une belle brochette de membres qui se sont fait plaisir, qui se sont régalés, qui ont passé un bon moment au Hideout. On vous laisse suivre les réseaux sociaux de la KNF pour savoir quelle sera la prochaine soirée. Mais pour sûr, il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y aura encore des gros burgers ? On l'espère. Est-ce qu'il y aura des victoires des Knicks ? On l'espère tout autant. En tout cas, quand ça se passe au Madison Square Garden, ça se passe plutôt bien cette saison. Et c'est tant mieux pour nous. Surtout qu'on ira là-bas dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà, l'actualité associative, elle était riche la semaine dernière. Bah oui, il y avait cette KNF Viewing Party, mais il y avait aussi la fin du reveal du visuel du t-shirt officiel de la saison 2025-26. Alors un petit peu sur le concept de l'année dernière, on a pris des joueurs actuels. Est-ce qu'il y aura des changements dans l'effectif ? J'espère pas. J'espère pas parce que ça serait dommage d'avoir un visuel de t-shirt déjà obsolète, déjà vintage, suite à un grand chamboulement dans la ligue. Mais en tout cas, vous avez pu découvrir toutes les cases. Ça y est, elles sont maintenant officielles qui composent ce visuel. Et au global, bah, on retrouve les joueurs majeurs de cette équipe, de cette belle équipe des Knicks. Sera-t-elle championne à la fin de l'année ? On le verra. À la fin de l'année 2025. Pour surnom, à la fin de la saison. Vous m'avez compris. En tout cas, si vous voulez vous procurer ce t-shirt avec ce beau visuel, le Madison Square Garden composé dans son cœur de ses joueurs emblématiques, eh bien, vous avez tout ça sur le site knicksnationfrance.com, rubrique « Comment atterrir ?». Voilà, ne tardez pas parce que les commandes sont en date et en quantité limitée. Donc, foncez. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti un vieux jersey, le numéro 8. C'est pas en l'honneur de OG Anunoby, non. C'est en l'honneur d'El Famoso Danilo Gallinari. Danilo Gallinari qui annonçait en début de semaine dernière, eh ben ça y est, sa retraite officielle. Il raccroche les baskets après quand même pas mal de bons et longs haillots services en NBA, mais pas que. Il avait terminé sa carrière avec un titre de champion, c'était où ? À Puerto Rico, quelque chose comme ça. Bon, dans une ligue un petit peu plus mineure, un peu plus obscure. Mais tout de même, finir en tant que champion, c'est bien. Lui qui a quand même usé ses baskets dans pas mal de franchises. Rappelez-vous, il avait été drafté en pick 6. Et oui, ça date. Et c'était assez haut de la part des Knicks en 2008. Voilà, 8, le numéro 8. Danilo Gallinari qui avait été un des joueurs majeurs de quoi ? Du renouveau des Knicks ? Peut-être pas. À l'époque, coaché par Mike D'Antoni, un autre joueur un ancien joueur, et un coach avec des consonances italiennes, ça va de soi, et qui, Danilo, le galop, la galinette pour les intimes, avait fait l'objet du package monstrueux envoyé à Denver pour faire venir un numéro 7, hein, passer du 8 au 7. Forcément, on avait une régression dans les numéros. Est-ce qu'on y a gagné au change ? Chacun se fera son avis. Danilo Gallinari, un joueur borderline All-Star, hein, sur ses belles années à Denver, voire aux Clippers, mais qui a aussi une carrière un peu coupée par des blessures diverses et variées. Un bon petit joueur, mais voilà, un role-player, d'une certaine façon. Quel souvenir tu gardes de Danilo Gallinari, Seb ? Toi, le grand collectionneur de petites cartes en carton. Non, mais Danilo, ouais, c'était un sacré shooter, comme tu dis. Cette année-là, lorsqu'il arrive en 2008, je crois qu'on drafte pas mal de joueurs. Non, c'est le seul. Je confonds avec une autre draft. C'est le seul. Beau joueur, beau shooter. Dommage que cette équipe ne soit pas allée avec Amar'e Stoudemire en seul star. Il faisait un très bon début de saison, mais après d'ailleurs, il a eu une carrière plutôt honorable. Il est, en tout cas, partout là où il est passé, il a été bon, ou en tout cas, il a eu un rôle. Danilo Gallinari, ouais, ça restera quand même un bon joueur drafté par les Knicks. Il s'était pas trompé, peut-être un poil haut. Sixième, c'est peut-être un poil haut, mais ça a été un joueur marquant de la fin des années 2010, quoi, on va dire. Enfin, ouais. 2000-2010, ça a été un joueur plutôt marquant de cette période-là. Pas la période la plus glorieuse des Knicks, mais disons que lui et David Lee, pour moi, ça a été deux jolis pics à cette époque-là. Bien drafté, quoi. David Lee drafté beaucoup beaucoup plus bas, et dans cette draft 2008, bon, le numéro 1, Derrick Rose, passé par New York. Numéro 2, Michael Beasley, passé par New York. Numéro 3, tu te rappelles ? OG Mayo. T'as l'affiche, hein, tu le vois. Numéro 4, Russell Westbrook. Kevin Love, numéro 5, Danilo Gallinari. Grosse draft. Belle cuvée, et derrière 7, Eric Gordon. Ce que j'allais dire, 7 Eric Gordon, 10 Brook Lopez, tu as pris quelques joueurs de complément. Et il y a Anthony Randolph, passé par les Knicks aussi, effectivement. Robin Lopez, passé par les Knicks. Passé par les Knicks. Roy Hibbert, Javali McGee, qui a fait une bonne carrière aussi. Kurt Nelly, passé par les Knicks. Un certain Alexis Agença, pas passé par les Knicks. T'as Serge Ibaka, Nico Batum. George Hill. La draft 2008 est une grosse draft. Vraiment une Nicolas Pekovic, Mario Chalmer, DeAndre Jordan, Omer Asik, Luc Mba Amouté. Non, une cuvée assez intéressante, assez dense. DeAndre Jordan et Goran Dragic draftés au second tour, ainsi que Patrick Ewing Jr., c'est pas rien, quoi. Passé par les Knicks. Bon. Oui. Non, mais même au second tour, t'as des noms importants, quoi. Qui ont fait leur passage. Fin de second tour, Joe Crawford aussi, passé par les Knicks. Eh oui. Et donc, Gallinari, je sais pas si t'as l'affiche sous les yeux, on va essayer de te prendre par dépourvu. Tu te rappelles, tu sais dire dans quelle franchise il a arrêté sa carrière NBA ? Petite colle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui. Alors bon, il n'y a que 17 matchs. Sa fin de carrière a été un peu mouvementée. Je sais que je te dirai, parce que je crois que je te dirai Détroit. Mais presque. Il fait 6 matchs à Détroit sur la saison 2023-24. Il avait fait également quelques matchs à Washington dans sa dernière saison, encore en 2023-24. Il a été beaucoup transféré cette saison-là. Il fait 3 équipes. C'est à Milwaukee. Il fait 17 matchs. Il termine à Milwaukee. Un temps de jeu, 9 minutes. Voilà, c'est assez anecdotique. Mais bon, voilà, Milwaukee, on va peut-être en parler tout à l'heure. Voilà, on apprend des choses avec KNFTV, avec Avenix Week, mais on parle aussi différentes langues, et on parle italien, on parle français pour sûr. Et oui, cette semaine, les Knicks ont battu un record. Alors, ils ont battu un record avec qui ? Avec les Charlotte Hornets, une petite association, la French Connection. Il y avait pas moins de 5 joueurs, 5 5, le Fab 5, un Big 5. Est-ce que tu pouvais presque faire un 5 avec Moussa Diabaté donc en pivot, Gerch en 4, qui après Tidjane, tu le fais jouer en quoi? En 3, en Modiabara 3? en 3, Dadier. Ah, il manque de meneur dans cette Ouais, histoire. ouais, Mais ouais, ouais, ouais, ouais. effectivement, Mais. on avait une belle line-up hein, qui sera peut-être, on ne sait pas, sur Au certaines JO? campagnes JO de Los estivales. Angeles? Oui, on verra après. Est-ce que tous ces joueurs auront l'opportunité d'être appelés en sélection? Bon, il peut se passer beaucoup de choses. Certains ont encore beaucoup de choses à faire aussi dans leur carrière. Mais en tout cas, voilà, c'était le petit moment cocorico, le petit bonjour, bonsoir, cher à certains, de la semaine. Et pour une fois, bah, les Knicks étaient du bon Ouais, cette côté. semaine, Alors bon. on a rencontré pas mal de Français, puisque hier soir, il y avait aussi Noah Penda du côté de Orlando. Tout à fait, tout à Donc, fait. Ah, les Français qui comptent un bon contingent en NBA, après avec des déboires pour certains, des réussites pour d'autres. Côté new-yorkais, on en parle assez souvent. On en parlera peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, c'était le moment bonjour, bonsoir, le moment cocorico. Et puis, bah aussi, jetons-nous nos lauriers, nos fleurs. La semaine dernière, qui s'est dit donc, qui avait annoncé, bon, les bons pronos, ok, vous avez compris, mais surtout, qui avait annoncé que pourquoi pas Jalen Brunson pourrait être joueur de la semaine? Eh ben, ça n'a pas manqué. C'est souvent le lundi soir ou dans la nuit entre le lundi et le mardi que les résultats sont annoncés. Et avec un bilan de 4-0, eh ben oui, forcément, les regards se sont projetés un petit peu en direction du Madison Square Garden et des Knicks. Et Jalen Brunson bah, a obtenu un nouveau titre de joueur de la semaine. Bravo à lui, JB. Franchement, voilà, c'était mérité. Beau bilan collectif, de belles stats. Un joueur qui est revenu de blessure il n'y a pas très très longtemps et on n'a pas l'impression qu'il était réellement blessé. Il n'a pas été vraiment, il n'a pas subi une baisse de niveau, notre ami Gibi. Et ce qui est marrant dans cette histoire, eh ben, c'est qu'il était accompagné de qui? De Luka Doncic. Et ouais, il y a un beau backcourt des Dallas Mavericks. Dommage, maintenant, tout ce beau monde évolue dans des franchises totalement différentes. New York, Los Angeles, New York. Peut-être une affiche qu'on verra prochainement. Et pourquoi pas dans la semaine? On verra, on verra, on verra. Bon, joueur de la semaine, on a dit un joueur qui est dans son prime, peut-être, en la personne de Jalen Brunson. Ah là là, vous le savez, on a entendu parler, et je pense qu'on va entendre parler pendant encore un bon moment. L'ami grec, et oui, salade tomate-oignon, c'était pas que au menu, mais c'était aussi dans les assiettes, c'était aussi sur les réseaux sociaux. Giannis Antetokounmpo, Giannis. Le Greek Freak qui a fait parler de lui. Bah oui, pourquoi? Parce que il a enlevé quelques petits posts Instagram. Ça arrive, hein, faire le tri dans les réseaux sociaux. Et tout de suite, les rumeurs se sont emballées. Les insiders ont voulu sortir leur tech, leurs déclarations, leurs sentiments. On le savait que la situation à Milwaukee, elle est un petit peu délicate. On le savait que Giannis, il est attaché à sa franchise qu'il a draftée, avec laquelle il a été champion NBA. Mais ces derniers temps, ces dernières saisons, et même en ce moment, c'est compliqué sportivement. Il y a eu des mouvements qui ont été faits du côté du management des Bucks. Ça semble pas avoir convaincu en tout cas l'ami grec de rester faire carrière là-bas. Il y a des volontés de départ. On l'avait vu cet été aussi promener famille, femmes et enfants avec des petites poussettes dans les rues de Madison. Proche du Madison Square Garden, bien sûr, forcément, quand on est à Big Apple, on est au plus proche du Madison Square Garden. Mais voilà, on avait vu Giannis errer, se promener, prendre l'ambiance de Big Apple. Et les rumeurs n'avaient déjà pas tardé. Ça s'était calmé avec un bon début de régulière, et puis un début de régulière qui est tout de suite rentré dans le rang. Et puis la semaine dernière, une défaite face aux Washington Wizards. Ouh, un dunk sale de Bilal Koulibaly, qui postérise aussi un petit peu Giannis. Il n'en a pas fallu plus pour tout de suite enflammer la toile. Et voilà, la rumeur est de nouveau repartie. Giannis aurait envie de partir. Giannis aurait envie d'aller à New York. Mais il y a peut-être d'autres équipes qui auraient envie de s'attirer Giannis. Et voilà, c'est notre gros sujet de l'ouverture de cette émission. Giannis Onyx, Giannis qui part. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Tu sais vraiment, tu sais jamais vraiment ce qui se dit. Tu as des insiders qui se contredisent. Certains disent qu'il rêve de New York. D'autres qui disent que s'il doit partir, il aurait un spectre beaucoup plus large. D'autres qui disent qu'ils se sont entretenus avec lui et il a. Euh, et il a euh, comment dire, il a dit que non, qu'il resterait, peu importe, et compagnie. Moi, j'aimerais qu'il parle, en fait, vraiment. Qu'il fasse que soit un communiqué de presse ou quelque chose, qu'il dise non, mais en fait, ce qu'il se dit, c'est faux. Moi, je reste. Moi, j'ai envie de rester. Parce que le problème, c'est que s'il ne parle pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il dise qu'il a envie de partir, mais il peut dire non, non, mais tout ce qu'il se dit dans la presse, c'est faux. Tu vois, il peut le dire, ça. Le problème, c'est qu'il ne le dit pas. Il ne parle pas. Tu vois, il ne communique pas. Donc, ça entretient le doute. C'est ça qui est compliqué, en fait, avec cette histoire. Bon, outre ça, maintenant, est-ce que les Knicks doivent trader pour Giannis? Sûrement, peut-être. En tout cas, si tu as ce joueur-là dispo, oui. Est-ce que les Knicks ont les assets? Non. Est-ce que tu peux les créer? Oui. Mais pour ça, il te faut plusieurs équipes qui vont donner du pic. Est-ce que le pic intéresse les Bucks? Je pense pas. Je pense que eux, ce qui les intéresserait, c'est du joueur et du pic. Le truc, c'est que si tu veux créer du pic, bon, bah, il faut envoyer, on va dire, 4 d'un côté, peut-être au Giannobi de l'autre, récupérer un package, former un truc autour de Mitch, Hart. Enfin, tu vois, et au final, tu dépoiles quand même un effectif qui, au début de saison, te dit. Ben, c'est quand même une équipe qui peut, pourquoi pas, aspirer à être champion. Donc, en même temps, tu as ce sujet de Giannis qui se pose là. Pour l'instant, il n'a rien demandé. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, compliqué. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont bien mieux achalandées pour pouvoir faire une offre aux Bucks. Je pense, par exemple, à OKC, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent quoi que ce soit, vu comment ils écrasent la Ligue. Mais c'est pendant que tu te dis, mais avec Giannis, ils écraseraient la Ligue pendant combien de temps? Ou les Spurs, qui aussi ont, pour le coup, du cap, ils ont du joueur. Ils peuvent monter un truc autour de Fox, Keldon Johnson, Vassell, Soach. Ils ont du pic. Donc, non, je pense pas que les Knicks soient les... Peut-être qu'ils ont la faveur du cœur de Giannis. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais je pense pas cependant qu'ils aient le capital de pouvoir former une offre décente pour ce type de joueur actuellement. Voilà. Actuellement. Le actuellement est très important. C'est peut-être pas que le mot qu'il faut retenir de ta tirade, de ton argumentation. Elle était très intéressante. Mais le actuellement, effectivement, ça c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi maintenant, pourquoi à ce stade de la compétition, de la saison régulière, de l'avancement des projets de chacune des équipes dans cette ligue. Aujourd'hui, le facteur urgence, s'il y en a un, il est surtout du côté du clan Giannis, du côté du clan Milwaukee. Parce que on le voit, la saison, elle prend pas les tournures espérées. Il y a de plus une blessure qui vient de se rajouter récemment dans la semaine. Certains ont craint au pire avec le tendon d'Achille qui aurait été touché. Et dans ce cas-là, effectivement, ça remettait toute velléité de trade aux oubliettes. Mais non, bon, a priori, ce n'est que le mollet. Bon, à voir. En tout cas, Giannis aussi accumule un petit peu les pépins physiques avec son jeu qui est porté sur de la domination physique. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a peut-être encore un signal d'envoyer par le clan Giannis qui n'est pas tout à fait clair parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire aussi « Oh, on aura le bol, on veut se barrer ben ». Je pense qu'il y a une volonté de partir en bon terme avec un bon storytelling de « Ah, je suis resté jusqu'au bout, mais vous voyez, je ne peux plus gagner avec cette équipe. Je suis arrivé au bout d'un cycle. J'aime cette équipe, j'aime cette ville, je lui dois tout. » Mais je dois aller voir ailleurs. Il y a un petit peu, je pense, cette narrative-là qui est mise en place par l'agent, tout ça, enfin, la communication à base de j'enlève les tweets, enfin les tweets, les publications Instagram. Ouais. Les Bucks, on sait, ça fait partie de l'histoire de Giannis, ça le sera tout le temps. Je pense que même s'il part et qu'il revient à terme dans cette franchise de Milwaukee, il sera accueilli avec les ovations du public parce qu'il doit tout et les Bucks doivent tous à Giannis. Le meilleur joueur de la franchise. N'ont jamais été champions, même avec les très grands joueurs qu'ils ont pu... Enfin, que je dis des bêtises. Si, ils ont été champions avec l'époque Jabbar et Oscar Robertson. Je retire ce que je viens de dire. Mais voilà, est-ce que Giannis se pose comme étant le GOAT de cette franchise? Il est clairement dans la discussion avec des Jabbar qui sont des joueurs aussi très très haut placés, mais qui étaient partis aussi, il faut s'en rappeler, pour Los Angeles, à une époque totalement différente. Voilà. Donc, bon, il y a peut-être une volonté de partir sans salir non plus son histoire, son image. Il a une volonté de gagner, il a une volonté d'aller dans une équipe contender. Et bah forcément, ça c'est compliqué parce que si tu vas vers cette équipe pour gagner, ça veut dire que les picks que tu vas récupérer de cette équipe-là seront moins valuable. Tu peux en récupérer plein. Si ton équipe elle est tout le temps en finale NBA ou demi-finale, finale de conf, bah les picks seront plutôt plutôt moyens. C'est en ça que les joueurs aussi récupérés, c'est en ça aussi que les joueurs récupérés peuvent avoir leur importance dans le sens où bah après. Je vais être retradé. Voilà, je vais te partir d'un principe, par exemple, justement, moi, ceux qui tiendraient le plus la corde si j'étais les Bucks, ça serait les Spurs, qui ont des joueurs plutôt de bon calibre, qui peuvent sacrifier une partie d'eux sans pour autant perdre leur qualité d'effectif, et en plus de ça, ils ont des picks. Mais demain, par exemple, tu vois, donc ils tradent, ils prennent Fox, Vassell, ou Fox, Keldon Johnson, ou Fox, Vassell et Sowan, un truc comme ça, par exemple. Mais après, derrière, qui te dit qu'à l'été, ils ne peuvent pas te refourguer Fox contre cette fois-ci du pic à une autre équipe qui aura une valeur plus importante et compagnie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, faire un move en deux temps, en fait. Récupérer des joueurs qui ont une valeur, mais pas non plus qui va leur permettre de gagner, sur lequel ils vont construire leur effectif. Non, mais effectivement, tu peux, faire partir Giannis, c'est appuyer sur le bouton reset. Oui. Et on sait que Milwaukee, c'est pas du tout une destination qui attire les free agents. Voilà, ils ont tenté le coup avec Lillard, mais c'était par du trade et on voit aussi que c'est compliqué. Même Lillard qui faisait de Portland et parce qu'il voulait jouer avec Giannis aussi. Hein. Ouais, mais qui semblait pas non plus des masses se plaire à Milwaukee, quoi. T'es trade à Miami, à Los Angeles, bon voilà, t'as le soleil, t'as la life, tu vois, à côté. Milwaukee, je pense pas que ça soit la destination qui fasse rêver. Donc effectivement, s'ils appuient sur le bouton reset, il va falloir avoir des joueurs jeunes pour pouvoir capitaliser un petit peu sur un potentiel, mais aussi du pic, et ça risque pas d'être le pic direct des équipes. Alors il y a... certains ont fait tout un tas de scénarios trade machine. Oui, il y a des salaires à équilibrer. Forcément, si côté new-yorkais, on se dit Giannis arrive, on se dit forcément que Karl Anthony Towns part, fait ses valises. Il y a eu un pseudo bout de rumeur comme quoi Karl Anthony Towns aimerait bien être au centre d'un projet. Il n'est pas vraiment à New York. Il n'est pas à New York. Hein. Le centre du projet, c'est Jalen Brunson, on le sait. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Si Giannis débarque à New York, bon, on l'accueillera avec plaisir, c'est certain. Est-ce qu'il deviendra le centre du projet? Est-ce qu'il deviendra l'option numéro 1? Est-ce que ce sera un bis avec Jimmy? Est-ce que ça peut fonctionner aussi, cette association? Avec Giannis, on parle quand même d'un ancien champion NBA, multiple MVP, Deep Boy, All-Star, voilà, a pu savoir quoi en faire. Un joueur particulier, atypique dans son profil et dans son style de jeu, qui joue beaucoup sur son physique. Pas un shooter, ça on le sait. Attendez-vous à avoir des longues séances de lancer franc parce que monsieur il prend son temps. mais voilà, c'est un jeu différent. Donc est-ce que les Knicks aujourd'hui en 2025-26, en étant classé deuxième de la conférence Est et en ayant surtout une profondeur de banc, une profondeur d'effectif, c'est ça qui est très important. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent ce move maintenant s'ils en ont la possibilité ou est-ce que c'est quelque chose qui se rediscute un petit peu plus tard? Moi, je suis plus de l'avis de, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, voilà, si le move avait dû se faire, il se serait peut-être fait à l'été dernier. Semble-t-il, des discussions étaient avancées et en exclusivité entre les deux équipes. Il y a peut-être eu une forme de, non, mais attendez, on va voir, on va se donner une vingtaine de matchs ou un quart de saison côté Milwaukee pour voir comment ça opère, comment ça marche. Peut-être que Miles Turner, c'était un bon deal et que ça va cliquer. Force est de constater que ça clique pas suffisamment côté Bucks. Il y aura peut-être du play-off. Il y aura peut-être du play-off, du play-in, on ne sait pas. Hein. Ça peut passer peut-être un second tour. Enfin, arriver au moins un second tour de play-off. Mais est-ce que ça sera suffisant pour le faire rester à Milwaukee? Pas certain. Donc voilà, est-ce que maintenant les contenders que sont... Contenders ou favoris affichés que sont OKC, le Thunder, qui d'autre? On parle de Détroit, parce que Détroit fait un début de saison régulière surprenante et se verrait bien récupérer un joueur de ce calibre. Est-ce qu'ils ont la capacité, la volonté de chambouler une bonne dynamique pour faire ce genre de move? Après, quand tu as l'opportunité de faire un mec comme Giannis, on parle pas de... On parle oui. pas de Biombo, on parle pas de Capella, on parle pas de... Non mais tu vois, des fois, tu lis des trucs sur Twitter, t'as l'impression qu'en fait, Giannis Antetokounmpo, c'est... Jalen Durant, il est intouchable. Non mais, oui, tu l'aimes bien, il fait partie de ta belle dynamique, mais si tu peux récupérer un joueur de ce calibre-là, on parle d'un joueur qui a encore 4-5 ans de haut niveau, et quand je dis de haut niveau, c'est de niveau MVP-esque. Élite. En NBA, on parle d'un mec qui te change ta franchise, on parle d'un type qui peut t'amener à la victoire, et quand je dis à la victoire, c'est pas en saison régulière, c'est à la victoire en playoff. On parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA et d'un des cinq meilleurs joueurs de la NBA actuellement. Et j'ai l'impression que on a tous forcément un rapport relationnel avec nos joueurs où en fait on dirait non, moi Max McBride jamais je l'échange contre Giannis parce que McBride vraiment il est trop fort. Je l'aime. Cette touffe, ses cheveux bouclés, j'adore. Mais à un moment donné... Ces petites tresses aussi. Il faut aussi savoir raison garder et savoir reconnaître que quand il y a un joueur qui est meilleur que ce que toi, tu peux avoir. Et c'est avec toute l'affection que j'avais pour R.J. Barrett et Emmanuel Quickly, que j'aimais beaucoup, surtout Quickly, je l'adorais, Quickly. Bon, ben c'est vrai que quand tu as un mec comme OG qui arrive, qui coche plus de cases dans cette équipe, ben, tu te dis oui, enfin, c'est sûr que dans l'équilibre, c'est mieux. Mais je parle sur d'autres trades, sauf évidemment pour Doncic contre Anthony Davis. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois que quand on parle de joueurs moyens ou moyens bons, en disant non, mais moi je ne les changerai pas contre un type MVP, il n'y a plus à discuter quoi. Gallinari, Melo. Voilà. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Est-ce que Melo a été MVP? Est-ce qu'il a amené une équipe en victoire? Il a été top 3 ou 5, je sais plus, MVP. Paul George, ça a pas cliqué. Paul George aussi. Oui, mais il y avait une affection pour Gallinari, et au final, pour récupérer des très gros joueurs, des joueurs qui ont une forte valeur, il faut y mettre le paquet. Et le paquet, ça peut après Carmelo de différentes façons. Carmelo était plus jeune. Carmelo, il y avait une histoire avec New York, lui-même New-Yorkais. Donc... Dans un ranking all-time NBA, tu mets Giannis avant Melo, on est d'accord. Dans l'esprit, en tout cas, il y a cet aspect, on a une affection sur tel joueur. Bah oui, parce qu'on l'a vu débuter, parce que c'est lui qui a réussi à gravir les échelons. Il y a un attachement émotionnel, effectivement, mais la NBA, on le sait, c'est un business, on le sait, et si vous ne le savez pas, regardez un petit peu la review de la saison dernière et ce qui s'est passé, tout peut se passer. C'est un business aussi qui se joue par du storytelling, de la narrative, et là, en ce moment, côté Bucks, on essaye justement de peut-être, pourquoi pas, tâter le marché. Est-ce que Giannis finira à New York? Bien malin qui peut le dire. Est-ce que les Knicks ont besoin aujourd'hui de Giannis cette saison? Pas certain, parce que ça se passe bien aussi, il n'y a pas cette urgence à faire un trade. C'est toujours un exercice périlleux d'aller récupérer un gros joueur, mais de perdre de la profondeur. On l'a vu, le Thunder, si c'est champion, c'est aussi parce qu'il y a un effectif qui est deep, qui est profond, ça peut se retrouver, la profondeur de banc, on ne l'avait pas la saison dernière, on l'a un peu plus cette saison, mais est-ce qu'il faut tenter la chose? Est-ce qu'on en a la possibilité? À voir. On va juste terminer sur ce point-là. Tu penses, juste par un oui-non, Giannis, il finit la saison aux Bucks, oui ou non? Oui. Oui. Ok, pareil. Allez, voilà, fin de liste. Je le vois pas lâcher. je le vois pas lâcher les Bucks en plein milieu comme ça. Comme tu dis, il y a un rapport vis-à-vis des Bucks qui est au-delà du respect, au-delà de tout, cette franchise, je pense que... Même si il part, il en sera jamais une légende, donc je le vois pas planter la saison des... Ou alors, c'est que les Bucks lui disent, écoute, vas-y. Tu vois, c'est qu'ils lui disent... tu vois, que lui, il est en entre-deux, en mode, je sais pas... Et que les Bucks lui disent, bon, allez, tu sais quoi, à un moment donné, vas-y, on coupe tout, on repart sur un nouveau truc, toi, t'as envie d'ailleurs, ta valeur, elle est encore en haut, tu vois, donc comme un accord. Mais sinon, je le vois pas partir. S'il y a l'opportunité de faire le trade maintenant, parce que les Bucks peuvent récupérer quelque chose, peut-être. Mais la situation contractuelle aussi est importante. Il lui reste une saison garantie, après c'est une saison en player option. Donc là-dessus, effectivement, il pourra pas aller n'importe où. Voilà, vous voyez les Toronto, les fans des Raptors qui disaient non, jamais de la vie, j'échange Scottie Barnes pour un joueur qui reste, dont il reste peut-être qu'une seule saison. Les gars, faut rappeler Kawhi Leonard, ça s'était plutôt bien terminé pour vous quand même. Ça s'était bien terminé pour eux. C'est le coup d'une année, quoi. Voilà, et ça s'était bien terminé pour eux. Et puis ils avaient échangé un mec comme DeMar DeRozan, qui, au point de vue historique, a plus marqué les Toronto Raptors que Scottie Barnes. Donc, bon. On verra, on verra. En tout cas, il y a de l'affection, tout ça. Bon, pendant ce temps-là, hein, parce que c'est bien beau d'agiter la toile en base de rumeurs de trade et tout, est-ce que les joueurs célèbres les perturbent dans le jeu qu'ils proposent? Bah, ça s'est plutôt bien passé cette semaine, globalement. Hein. Côté new-yorkais, on va faire la petite rétrospective, la bonne rétrospective, des 4 matchs de la semaine. Il y avait 4 matchs, ça commençait à l'extérieur et ça s'est terminé à la maison. Et ben voilà, pour faire simple, on a perdu à l'extérieur et on a tout gagné à la maison. Voilà, fin de la rétrospective. C'est aussi simple, Nick, cette saison, ça gagne à la maison. Ça n'a perdu qu'une seule fois face à Orlando, on l'a dit. On démarrait la semaine à Boston. Je sais pas, je me disais, Boston, ça joue mieux que ça n'a été. Et effectivement, on le voit dans le classement, hein, les Celtics qui, limite, sont la surprise aussi. On pensait qu'ils allaient s'écrouler, et ben non, ils ont une âme. Il ne faut pas enterrer les Celtics aussi vite que ça. Et même si le match a bien commencé pour les Knicks à Boston, au TD Garden, et ben, avec un bon premier quart, une fâcheuse tendance qu'on a en cette saison, c'est les seconds quarts qui ne sont pas bons. Ils sont pas bons. Pas bon, et là c'était pas bon. En ce moment, ouais, c'est pas. Non, mais et même, c'est cet effectif de second quart qu'on envoie qui est pas bon. Ce 5 à base de McBride, Clarkson, Hart, Kat et le dernier, je l'oublie, Kolek. Ce 5 est pas bon. Ce 5 est pas bon. Et à chaque fois, il se fait remonter. Défensivement, voilà, on accuse à chaque fois le coup, on est en déficit, il faudrait faire l'exercice un peu, la stat sur les matchs, de voir quel est le différentiel en cumulé entre les points marqués et les points encaissés sur ces seconds quarts, mais c'est toujours à ce moment-là que ça se produit. Alors oui, effectivement, il y a un changement de line-up, on n'a plus de Jalen Brunson à ces moments-là, éventuellement Jalen Brunson y sort dans les dernières secondes, la dernière minute du premier quart. C'est pas tout le temps collègue non plus. Il y a des ajustements. On le voit dans le coaching de Mike Brown. Il fait des ajustements. Il met pas tout le temps ou systématiquement Tyler Collègue en début de second quart. Là, sur les derniers matchs, non, mais en début de semaine. Ouais. Ouais, mais voilà, on voit qu'il essaye de trouver des ajustements. Alors, c'est pas du DNP, t'as 20 minutes. Non, c'est pas aussi radical que ça, c'est un peu plus subtil. Mais voilà, en tout cas, fort est de constater que ces secondes quarts nous font du mal. Et si les Knicks avaient bien commencé le premier quart à Boston, et ben c'est dans le second que la différence s'est faite, que ça s'est inversé. Et qu'à la suite de ça, on n'a jamais réussi à reprendre l'ascendant dans le match. Il y a eu un super Jalen Brown en face. Bah, chacun a un GB, et là, pour le coup, lui était plutôt en réussite sur cette rencontre. Bravo aux Celtics, ils ont coupé la série de victoires des Knicks, hein, ils en étaient sur 4 victoires. Jouer au TD Garden, il y avait sûrement aussi ce supplément d'âme et cette volonté de pas se laisser avoir. Hein. La dernière fois que les Knicks avaient joué au TD Garden, c'était aussi un petit peu pour éliminer ces Celtics. Un match plus compliqué pour les New Yorkais. Derrière, quand même, 29 points de Karl Anthony Towns. Il y a des rumeurs, mais il n'a pas été le plus mauvais dans cet exercice sur cette rencontre. Non, celui qui a un peu crevé l'écran sur cette rencontre, c'est pas JB. Non, JB a eu une soirée compliquée, 1 sur 8 au shoot, et puis une défense qui l'a empêché de mettre les shoots qu'il met d'habitude. Non, celui qui a crevé l'écran sur cette rencontre, c'est Mikal Bridges, 35 points, et puis constant en fait. C'est un petit peu, moi, ce que je lui reproche des fois à Mikal Bridges, c'est de s'effacer alors qu'il a cette capacité de produire offensivement dans différents secteurs du jeu, mini distance, du 3 points, aller slasher un peu aussi. Et ben là, il a été bon et il termine à 35 points, 12 sur 17 au shoot, 8 sur 12 à 3 points, son record en carrière à 3 points. Ce soir-là, voilà, il était en grande réussite, mais ça n'a pas suffi. Il fait un quatrième quart de malade qui nous permet de recoller. Le quatrième quart, on le gagne 41-29. On se remet dedans alors qu'on a été à la traîne. Mais on se réveille bien trop tard. Hein. Tu perds le 2, 20-37 et le 3, 24-36. Donc tu as trop de retard et tu te réveilles bien trop tard. On n'a pas réussi, je veux dire, à contrecarrer les plans du Celtics qui ont eu deux mecs qui se sont révélés en la personne de Jordan Walsh et Josh Minot. Et ça, fallait quand même le voir venir. Et puis tu l'as dit, Jalen Brown qui a été à 40 minutes, 42 points. Bon, ben bravo, je veux dire, c'est on peut pas faire mieux. Non, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi en fait à revenir dans ce match. Les seconds quarts sont très mal gérés. Et ensuite, on se réveille trop tard. Bon, écoute, voilà. Ouais, dans ce match, ça gâche le beau match de Mikal. Ouais. Parce que voilà, on revient dans la rencontre, donc on se donne les opportunités, on recolle au score quand même. Mais il nous a manqué un banc. Un banc qui est assez fantomatique. Hein, 4 points de Kolek, 4 points de Clarkson en 23 minutes et encore une difficulté au shoot. Non, mais Clarkson, ça va commencer à devenir problématique. On va en reparler là ici. Mais bon, ok, d'accord, il a marqué 16 points contre Utah. Mais sinon, donc c'est 4 points contre Boston, 6 contre Charlotte et 0 hier soir contre Orlando. Avec des pourcentages au tir horribles, 0 sur 4 à 3 points hier soir, donc 2 sur 5 contre Utah, mais sinon 0 sur 3, 1 sur 3, et avant ça contre Toronto 3 sur 10. Non, il joue très mal, Jordan Clarkson est pas bon. En ce moment, il est l'ombre de lui-même, et là où on a tenté de l'apport offensif du joueur, et en l'occurrence de sa personne, eh ben, ça passe à côté. Donc c'est bien dommage. Après, sur le match face à Boston, on a Brunson qui passe à travers. Il y a des tirs forcés et qui rentrent pas. Il a des tirs compliqués, ils sont toujours compliqués, ces shoots, ils sont toujours contestés. Il est forcément défendu. Le plan de Joe Mazzulla était clair. Hein. De toute façon, la tête du serpent, le joueur le plus menaçant et le plus... dangereux en attaque, ça reste JB. Voilà, il passe à côté, on tire pas dessus, hein. Il nous fait gagner tellement de matchs, mais voilà, c'est ça qui a manqué. Heureusement, on revenait au Madison Square Garden pour le reste de la semaine. Heureusement, l'adversité, elle était quand même un petit peu plus accessible pour les matchs qui ont suivi. Charlotte Hornets, ok, beaucoup de Français sur le parquet et une victoire assez... assez large pour New York, 119 à 104. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre ? C'était du back-to-back, qui n'avait pas Mitchell Robinson. Bah oui, back-to-back, il n'y a pas de Mitchell Robinson. Karl Anthony Towns se fait encore plaisir. Bon, après, est-ce qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts ? Certains aiment cette formule. En tout cas, avec 35 points, 18 rebonds, on peut dire qu'il a été fort dans ce match. Oui. Jalen Brunson se reprend avec 26 points, même si Adès extérieur 1 sur 5 au shoot. Et puis après, une marque plutôt équilibrée avec un Josh Hart à 15, un Mikal à 16 et un McBride à 15 points. Très régulier. Le banc, toujours un petit peu compliqué. 6 points de Kolek, 6 points de Clarkson, c'est tout. C'est tout. Alors oui, il y a eu du garbage time, on a fait jouer tout le monde, mais il n'y a pas d'autre production offensive, que ce soit Duke Porty, 13 minutes, mais 0 points, Gershon, 0 minutes, non, 0 minutes, non, 9 minutes, 0 points, pardon. Autrement, le banc a moyennement produit. Hein. Non, c'est... On a par contre un Josh Hart qui reste dans sa lignée, même s'il a, au niveau du shoot, 1 sur 5 ou 3, ça n'a pas été ouf, mais 8 rebonds, 8 passes, 15 points. Il continue à produire, même le match avant contre les Celtics, hein, 19 points, 4 sur 7 à 3, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, une interception, voilà. Pardon. Il continue sur sa lancée à être bon et à être important dans ce dispositif. Et d'ailleurs, au retour de OG Anunoby contre le Jazz, il est resté dans le 5. Et oui. Il y a une formule voilà, qui on a regardé comment elle allait évoluer. Et c'est une belle transition. Bon, Josh Hart, on l'avait nous nommé joueur de la semaine pour nous, de cœur. Et parce que aussi en ce moment, il est plutôt en forme, avec une belle réussite à 3 points. Sur le match face au Jazz, on s'est dit pourquoi pas, ça pourrait être le revenge game de Jordan Clarkson. Bon, ouais, vite fait. Après, ça a été un revenge game ou un porn game, appelez ça comme vous voulez, parce que ça a commencé par un 23-0. Incroyable. Marqué, ah ouais. Voilà, belle adresse, normal, mais par contre, en face, ça a marqué que dalle. 40, il n'y avait aucun panier. 41-13. Premier quart. Alors bon, on a battu des records de production offensive sur ce genre de rencontre. Faut voir que l'adversité était, voilà, plus faible. Alors on me dit souvent, ouais, la conférence Est, c'est moins bon que l'Ouest. Bon, faut voir, hein. Il y a à boire et à manger à chaque fois, de toute façon. Là, clairement, c'était pas les cadors de la conférence Ouest. On verra quand les Knicks joueront ces cadors de la conférence Ouest. Pour sûr, face aux Mormons, la messe était dite assez vite dans la rencontre. Un très gros blowout avec un 146 à 112 à la fin, au score final. Le plus gros scoring de la part des Knicks depuis les années 80. Et ouais, ça date. Voilà, il y avait au moins besoin de ça pour se faire plaisir. Ça a permis de distribuer du temps de jeu et de faire tourner un petit peu tout le monde. C'était le retour de OG Anunoby, oui, il y avait des annonces d'un retour à la compétition, et ben c'est sur ce match-là qu'il a pu reprendre. C'était un petit retour, et c'est pas plus mal. C'était aussi le retour d'une légende, hein, une légende des Knicks aussi, qui revenait sur le parquet des New York Knicks. Laquelle? Ah, qui revenait en tant que cette fois-ci donc adversaire des New York Knicks, qui jouait et qui était titulaire du côté d'Utah. J'ai un doute, je sais plus. Qui tu parles? De Zvi, Mikhailuk. Ah oui, pardon, Zvi, oui, bah oui, Zvi. Rappelle-toi, bon, Zvi. Toujours appelé Zvi, moi. Oui. Il y a 2-3 saisons de ça, en fait. Il a été un Ukrainien, et on sait que le peuple ukrainien souffre. Mais oui, effectivement, il était à New York sous les ordres de Tom Thibodeau. Il y a oui. Saison de ça. Il a pas joué. C'était un joueur du bout du banc. Zvi en X, c'est quand même 19 matchs. C'est pas rien, tu vois. Donc, c'est pas rien. Ça compte. Est-ce que t'as une carte de Zvi? Compliqué à voir ça. Ah ouais. Parce que je pense que. Même pas une dédicacée, mais déjà une carte tout court de Zvi. Est-ce qu'il y en a qui ont été éditées? Oh, je pense, oui. Mikhailuk, attends, je te fais la recherche. Là, faut savoir l'écrire. Bon, pendant que tu recherches, voir si on trouve des cartes à collectionner de Zvi Mikhailuk. Oui, ça existe, et même signé, oui. Et même signé en fac, ouais. Même signé en Lakers et signé en fac. Alors, je savais pas que tu avais joué Lakers, ok, d'accord. Eh ben si, il a été un joueur qui a du shoot, ça peut toujours dépanner en sortie de banc. Il a été drafté par les Lakers. Possible, alors là, je sais plus. Ah, mais je te le dis. Les choix de draft des Lakers, non pas qu'ils soient mauvais, mais comme ils sont souvent assez bas, du fait que l'équipe soit assez compétitive, il y a un petit peu de tout dans ce genre de joueurs. Bon, en tout cas, sur cette rencontre, bah voilà, un Josh Hart qui était un peu plus en retrait, 8 points et 6 rebonds, 6 passes tout de même. On est dans un mini triple-double à quelques unités près. Carl Anthony Towns, sans forcer, 18 points, 9 rebonds. Un Mikal qui rentre dans le rang avec 10 points hein, sur cette rencontre, mais 20 minutes, on l'a ménagé. 33 points. Pour Jalen Brunson, bon, il a fait le taf. Hein. OG, 11 points. Et puis bah, le banc, qu'est-ce qu'il a donné ce banc? Eh bien, on avait un retour de Myles McBride sur le banc. Bah oui, parce que OG revient, même si Josh garde sa place. Et puis McBride, il a été très très bon sur cette rencontre. Lui, à 22 points en 22 minutes, à 7 sur 11 au shoot et un 7 sur 10 à 3 points. Ça, c'est plutôt pas mal comme performance. Clarkson, ok, 31 minutes, 16 points. Bon, il a shooté et il a eu un peu plus de réussite face à son ancienne équipe. En se rapprochant du cercle, bien sûr. Et puis, il faut le dire quand même, Cocorico, d'une certaine façon, un mini Cocorico, c'est les records de points Onyx pour Gershon sur cette rencontre en 9 minutes. 11 points, 5 sur 6 au shoot, 1 sur 2 à 3 points. Ça permet de reprendre un petit peu le moral, même si on le sait, l'adversité était faible, gros blowout game sur la rencontre, donc ça a laissé du temps pour jouer. Bon, laisser du temps, mais 9 minutes quand même. Ouais. Non, mais c'est... Et puis c'est surtout, c'est 9 minutes... C'est un DMP masqué. Ouais. C'est-à-dire que... On le disait pourtant, il y a du mieux en termes de temps de jeu. Mais parce que Oji n'était pas là, quoi. Il ne joue pas parce... Il joue parce qu'on est en blowout et qu'à la fin, il vide son banc. Sinon, en fait, il n'était pas rentré, même dans le second quart ou quoi, où c'est des fois là qu'il rentre. Là, il n'était pas rentré du tout. C'est pour ça que je te dis que c'est un DNP masqué, un peu déguisé, dans le sens. Mais je comprends pas trop ces minutes. C'est-à-dire que hier, par exemple, contre Orlando, donc il joue en premier quart. Il n'est pas mauvais. Il fait son taf. Mmh. Il rentre quelques trois. Il récupère que 2-3 rebonds assez rageurs, assez tu vois, importants. Oui, il y a de l'énergie, il y a de l'envie défensive. Et il disparaît. Et moi, ce que je comprends, c'est que Mike Brown ne comprend pas comment l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on risque de dire assez régulièrement dans la saison. Mais est-ce que d'ici la deadline, il y aura un départ? C'est mais pas c'est, à exclure. Il ne sait mais, pas utiliser. Voilà. Il le fait maintenant jouer en 4. Il ne le fait plus jouer en 5. Oui, donc. Mais il l'implique pas spécialement, ou il n'est pas impliqué par ses coéquipiers, par lui-même, par le coach. Voilà, après c'est un ensemble, hein. C'est pas que le vilain coach qui ne veut pas utiliser le gentil français. Non, moi je sais pas si, parce que c'est quand même un entraîneur intelligent, hein, Mike Brown. Moi je sais pas si c'est qu'il ne sait pas comment l'utiliser, ou si c'est pas le genre de profil qui lui plaît. Et de ce genre de profil comme ça, de 4. Très je massif, sais même pas comment je pourrais qui a cette capacité à shooter pour autant donc mais pas assez rapide pour lui, je sais pas, peut-être un poil sous-dimensionné, peut-être, je sais pas, mais ça sent en fait il faut se le dire, et ça a rien contre Gershon qu'on adore au par ailleurs, mais ça sent l'erreur de casting, ça sent on a fait venir un joueur alors pas le prix le plus élevé, non, parce qu'il y avait l'opportunité, parce qu'on n'avait peut-être pas encore le coach à ce moment-là et tout, mais une fois que le coach est là, bah, les autres joueurs, Clarkson, on voit, il a son temps de jeu. Même Mo Diawara joue plus sur cette rencontre face au Jazz, il joue 12 minutes, que Gershon. Mo Diawara arrive à rentrer, alors c'est des courts épisodes, c'est un rookie, fin de second tour, voilà, donc l'histoire elle n'est pas la même, mais voilà, il découvre la NBA un petit peu. Et c'est quelques 12 minutes pour Mo Diawara, bah lui il doit être content de pouvoir jouer en fait, de pouvoir un peu acquérir son expérience NBA petit à petit. Gershon, bah malheureusement il ronge son frein sur le banc, et le retour de OG ne va pas l'aider dans ce sens quoi. Bon, dernier match de la semaine, voilà, bah une victoire. On en avait besoin, on avait envie de voir un petit peu comment tout ça allait se passer pour le retour du Magic au Madison Square Garden. C'est la seule équipe qui avait fait tomber les Knicks. Et ben, il y a peut-être un fait de jeu qui est involontaire, qui est dommage, mais qui ne peut pas être imputé aux joueurs à proprement parler. Mais il y a la blessure de Franz Wagner avec ce contact contre Ariel Hucporti, qui, je pense, change un petit peu le cours de la donne, parce que Franz Wagner est un joueur que les Knicks ont beaucoup de mal à défendre, même avec le retour de OG. Hein. C'était un joueur, quand il a décidé de marquer, il trouve des solutions pour marquer. Il était plutôt bien parti dans sa rencontre, le Magic qui avait plutôt pris les ascendants en début de match, même si ça restait assez serré, voilà, et que la défense des Knicks était en difficulté pour freiner ces joueurs du Magic. Magic qui aussi pouvait compter sur le retour de Banchero depuis quelques rencontres. Et bien voilà, il y a une blessure assez tôt. Alors au début on s'est dit quoi, il se prend un coup dans la tête, c'est la cheville qui tourne, le genou, on n'a pas tout compris, il est resté au sol assez, à un moment. Et puis au final, semble-t-il, c'est plutôt au niveau du genou qui aurait des inquiétudes. Ouais. On aura peut-être des informations un peu plus tard pour Franz Wagner, mais en tout cas un joueur important du dispositif floridien. Et ça a été une partie de bagarre hein, tout le long cette rencontre en fait. Hein. C'était un match teigneux, physique, engagé, avec des coups jusqu'à la fin. On pensait à un moment donné que c'est bon, garbage time, Mike Brown vide son banc. Bah non, il a été obligé de faire revenir les joueurs titulaires. Josh Hart a été obligé de poser ses enfants sur les genoux de Mitch. Tu vois, comme quoi, qui gère mieux les gosses que les lancers francs. Comme Thibodeau qui gardait son 5 jusqu'à 30 secondes de la fin à plus 35, et ben tu vois. Et ben là, il y a eu une grosse piqûre de rappel de hey, mais les gars, vous allez pas nous perdre le match là-haut. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Kids Day, il y a plein d'enfants, c'est dimanche midi, on n'est pas là pour dilapider un match qui était censé être gagné, quoi. Donc l'Enix qui gagne péniblement 106 à 100. C'est un match qui a été accrocheur, avec des gestes d'humeur de Desmond. C'est Desmond Bane? Oui, Bane. Oui. Qui est à moitié con, faut le dire. C'est pas sa première fois qu'il a des gestes d'humeur. Après, il est tout sourire avec OG. OG qui comprend pas, qui fait mais qu'est-ce que tu fais, mec? T'as pété les plombs? Bah ouais, il a pété les plombs. Et pour autant, il a pas été exclu, alors que bon, plus que limite son geste en fait. Même si c'était un match physique. On le sait, de toute façon, le Magic, ça joue toujours physique. Hein. Les Celtics s'en étaient plein pendant les playoffs. Bah, ça manque pas. Donc c'est une belle équipe qui n'est pas là par hasard non plus, qui a une identité défensive assez forte, qui a essayé de se renforcer offensivement. Mais voilà, c'est un défi pour les Knicks et je pense que notre route se recroisera en saison ou en playoff ou en cup, on verra. Ça sera pas une partie de plaisir de jouer contre ces joueurs. Il faut noter qu'il n'y avait pas Karl Anthony Towns, que Mitch était titulaire. Ça a été un petit peu compliqué de gérer les fautes des uns des autres, mais au final, les Knicks s'en sortent victorieux et c'est un bilan de 3-1 cette semaine. Ça permet de prendre une victoire face au Magic, c'est toujours bon, mais elle était compliquée à obtenir celle-ci. Ouais. Est-ce que tu veux revenir sur un point particulier sur ce match? Jalen Brunson en deux temps, bonne première mi-temps, deuxième mi-temps plus délicate, qui a tout raté. Michael Bridges plus en défense, plus impactant défensivement qu'offensivement. Un Josh Hart qui a su, dans la deuxième mi-temps, être bien présent, notamment au niveau du scoring. OG, bah, nous refait du OG et ça fait du bien. On a parlé donc de Gershon qui nous a fait un bon premier quart et qui a disparu par la suite. 8.11 minutes. Ariel Luc Porti, très satisfait des minutes qu'il a eues, 23 minutes qu'il a eues. Et écoute, 7 rebonds, 6 points, 2 passes. Belle défense, au-delà des stats purs. Oui, oui. Voilà, une présence. Alors, il y a des fautes, il va toujours en prendre. Et puis, il est qu'en sophomore. Hein, bon, mais, Il se jette au sol, il va chercher les ballons, il bouge belle bien. Belle énergie, quoi. Il est long, il est. Donc, non, franchement, Ariel Luc Porti, très très bon match. Et bon, voilà, la blessure de Miles McBride. Alors, hier, immédiatement après le match, il a passé un scanner qui s'est avéré négatif. Ils attendent maintenant l'IRM pour voir. Mais voilà, donc peut-être que ça sera l'espace de un ou deux matchs pour lui, parce que c'est vrai que c'est quand même pas beau lorsqu'il lui retombe sur le pied. Hein, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas encore assez alarmant, mais son match était pas fou là cette fois-ci, hein, il est retombé un peu. Ouais. Voilà, 21 minutes, 4 points avec un 1 sur 7, 0 sur 5 à 3. En règle générale, l'adresse à 3 points a été assez minable, hein, 11 sur 35, 31%. Ouais, pas terrible. Mais cependant, on a su. Ils ont été moins bons que nous. Eux, 12 sur 42 à 3 points, donc, et avec une réussite au tir aussi en dessous. Donc écoute, voilà, on prend cette victoire. Ils gardent cependant le tiebreaker sur nous, hein, puisqu'ils avaient gagné les deux premières confrontations, 124-107 et 133-121. On en prend une. On n'est pas sweepé sur la saison face au Magic. Voilà, donc écoute, cette victoire fait du bien. 3 victoires consécutives, 3 victoires à la maison, ce qui porte le bilan en 13-1. Bah, c'est à la maison, ça, hein, je parle. C'est très bien. Ouais. Voilà. Et alors dans tout ça, après une belle semaine tout de même, bah faut qu'on sorte un joueur de la semaine. Et bah justement, on va faire court, on va y aller direct. On a décidé, nous, d'honorer ce petit Deuce. Parce que Deuce, même s'il sort pas son meilleur match, clairement, contre le Magic, et petite blessure et tout, Deuce, on l'a mis sur le t-shirt de la saison, mais en fait, il fait une très belle saison aussi. Son retour sur le banc ne l'a pas freiné, on l'a vu face au Jazz, hein, clairement. Il a une belle adresse à 3 points. Voilà, c'est un élément important de la rotation. Il a la confiance entière de Mike Brown, qui a dit « Deuce McBride, c'est un mec qui doit jouer au minima 25 minutes par match. » C'est ce qu'il a dit. Mais ouais, tu as raison, attention, c'est le deuxième joueur. On va voir s'il y aura une indisponibilité. Mais s'il y en a une, c'est le deuxième joueur de la rotation importante des Mike Brown qui pourrait être blessé. Le premier, c'est Chamet. Et le deuxième, c'est donc McBride. Il va y avoir des minutes. Il n'est pas avare en distribuer de nouvelles minutes. Je veux dire, non. C'est vrai. Mike Brown là-dessus. Lui est pas là, ok. Bon, et ben on voit. Regarde, Colette était revenu, il avait remis du temps. Donc, faut pas. Bah, Juice avait ce rôle de meneur backup. À voir maintenant, Colette, il va avoir une opportunité. Il va falloir qu'il se montre. Il s'est montré plutôt intéressant à la passe et aussi opportuniste au scoring. Donc, bon, défensivement, on sait que c'est pas la même chose. C'est pas la même jeu offensif. Heureusement, plus dans la création, moins dans le scoring. Heureusement qu'on retrouve OG, parce que voilà, oui. En termes de défense, si on perd la défense de Deuce pendant quelques matchs, quelques semaines, il y a la Cup. Voilà, retrouver celle d'OG peut être intéressante, il y a de la polyvalence côté OG. Mais voilà, il va falloir s'ajuster et on souhaitait tout de même voilà, honorer n'empêche que, n'empêche bon Deuce, sur les nom de Deuce. Sur les 10 derniers matchs, on est en 8-2, qui est plutôt bon bilan sur les 10 derniers matchs. Ouais. Plutôt, alors, peut-être certains diront un calendrier favorable, on va en discuter. Et puis justement, tiens, parlons de calendrier, on regarde tout de suite ce qui se présente aux Knicks cette semaine. Allez, let's go, on regarde le programme des Knicks. Partie 2. Eh ben oui, parce qu'on a parlé de la semaine passée, on va parler de la semaine à venir. Voilà, le passé, l'avenir, tout ça, les Knicks, le présent, c'est maintenant. Le présent, c'est maintenant. Bon, si on parle un peu de ce qui se présente présentement, eh ben oui, c'est le classement de la conférence Est, parce qu'on regarde d'abord à l'Est, on ira voir à l'Ouest, mais pour d'autres raisons. Là, on va déjà regarder ce qui se présente à l'Est, et à l'Est, eh ben, les Knicks sont confortablement installés dans une deuxième place. Ils n'ont joué que 23 matchs de régulière pour l'instant. Bah oui, il y a eu un petit calendrier en début de saison, des semaines à 3 matchs, autres équipes qui ont joué un peu plus. Bah oui, il faut noter qu'il y a un petit match de retard, donc ça peut jouer un petit peu sur la consolidation des résultats des uns des autres. Toujours en numéro 1, les Detroit Pistons. Alors il y a un petit peu de matchs de perdu ces derniers temps, ça a lâché un petit peu du lest, ils se sont fait attraper. Bon, à voir en tout cas si les Knicks auront l'opportunité de leur passer devant. On verra. En tout cas, une belle et surprenante troisième place pour la part des Boston Celtics. Alors, c'est pas que les Boston Celtics, la saison dernière, on ne les aurait pas vus aussi haut dans le classement de cette conférence Est, mais au regard de tous les blessés et de ce qui s'est passé à l'intersaison, les départs, Porzingis, Holiday, patati patata, eh ben, on aurait pu penser que ça se serait écroulé, que ça aurait visé du tanking. Non, ça, les Pacers, oui, mais les Celtics, non. Ils sont, sur, ils sont sur 5 victoires consécutives. Ils ont tapé Cavaliers, Knicks, Wizards, Lakers et Raptors. Et prochain match... Les Wizards dans le lot, ok, mais autrement, de belles et ouais, et victimes le... sur le tableau de chasse. Hein. Et le prochain match, ils jouent les Bucks qui sont amoindris. Mais et si tu regardes eux aussi sur leurs 10 derniers matchs, ils sont en 8-2. Ils ont perdu contre les Nets et contre les Wizards. Mais après, derrière, ils ont tapé les Grizzlies, les Clippers aussi, le Magic, enfin... Non, non, ils sont... Attention, ils sont là. Attention, sont... méfiance aux Celtics, ils sont encore bien placés. Derrière, partie 4, post-spot 4, on a aussi pas mal d'équipes qui se suivent avec attends, le même nombre de défaites. C'est en train de chuter, les Raptors. Hein. C'est en train de... Oui, les Raptors qui étaient deuxièmes, qui ont perdu contre les Knicks et qu'on va retrouver très vite. Un bilan de 15 victoires, 10 défaites, 25 mais... matchs joués. Hein. Il y a un peu de matchs d'avance au calendrier. Mais sur les 6 derniers matchs, 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Absence de RG, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Ah. Je ne sais pas. Ensuite, on a la paire floridienne avec le même bilan. Orlando est repassé devant, 5e spot, 14-10. Bah oui, dernière défaite contre les Knicks. Et 14-10, le même bilan pour le 6e, Miami Heat, qui vont se retrouver très vite. Et Miami qui est sur une série de 3 défaites consécutives. Contre, le contre les Mavs, contre les Magic et contre les Kings. Comme tu l'as dit, prochain match, ils jouent le Magic. Ils avaient gagné contre les Clippers, mais ils avaient perdu contre les Pistons. C'est dommage pour eux parce qu'ils étaient sur une série de 6 victoires, mais là, ils retombent un petit peu dans leur travers. Voilà. Alors, est-ce que pourtant le retour de Tyler Hero n'a pas aidé ? Bizarre, bizarre. Suivent dans la première place du play-in, on a nos amis de Philly. Est-ce que c'est nos amis ? Je sais pas. Mais non. C'est les gens de Philly, 13-10. Les Cavs, péniblement une 8e place, 14-11 hey, la saison dernière. Cavs. Souvenez-vous, ah ouais. Ils n'arrêtaient pas de gagner. On s'est dit, ouais, Kenny, coach of the year. Bon, bah, y a la même équipe. Il y a Jarrett Allen qui est peut-être un peu blessé. Il y a Garland qui a été blessé en début de saison. Ils ont fait partir Okoro. Et ils ont récupéré qui ? Je ne sais plus. Mais voilà. C'était Lonzo Ball, oui. Mais visiblement, c'est pas le recrutement qui fait la différence. Ils sont sur des montagnes russes. Eux, ils vont faire une, ils vont faire 2 victoires, puis 3 défaites, puis 2 victoires, et là, tu vois, là sur leur dernier match, défaite contre les Blazers, victoire contre les Spurs, puis défaite à l'arraché contre les Golden State Warriors, sans Steph Curry, sans Butler. C'est leur joueur intérieur, là, je ne sais plus comment il s'appelle, attends, je vais regarder ça. Pat Spencer qui les porte. Non, mais étonnant les Cavaliers, là, cette année. Étonnant cette saison des Cavs, décevante, Ah bah, n'ayons pas peur des mots décevants. En tout cas, c'est que le début de la saison. Ils ont joué 25 matchs, mais ils sont en retard par rapport au temps de passage espéré. À voir s'ils arrivent à remonter un peu plus. Les Hawks qui sont voilà, dans le rang dans des leur 15, range, hein, avec dans le même bilan. Dans leur range, je pense. Les Hawks, c'est là. C'est entre les 9, ah. les plus 9 et 7 pour moi. Beaucoup les voyaient très haut parce que Bell... intersaison, pardon. Les noms ne font pas tout. Il y a un Jalen Johnson qui joue très bien. Il y a un Trae Young qui est plutôt à l'infirmerie. Porzingis, bon, ça, on a l'habitude de l'infirmerie pour lui. Mais voilà, ils sont aujourd'hui 9e avec le dernier bilan positif de la conférence Est. Parce que derrière, c'est les Bucks. Bah oui, Milwaukee, on a entendu. Hein, et ça, puis là, puis sans Giannis, on l'avait vu. Hein. C'était, ils ont un bilan qui est famélique lorsqu'ils ne jouent pas. Il a loupé des matchs, il va en relouper. Ils en ont gagné un sur le match où il se blesse. Mais, mais voilà, ça semble compliqué en tout cas la saison embarquée pour Milwaukee. Et les Bulls qui les suivent, qui les talonnent. Et les Bulls, voilà. Alors, incroyable. Les Bulls, là, ils sont sur 7 défaites consécutives. Ils sont sur un bilan de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont sur 8 défaites pour 2 victoires sur les 10 derniers matchs. C'est rentré dans le rang. C'est totalement c'est rentré dans le rang. C'est la définition début de même saison, oublié, hein, d'une équipe en sur-régime en début de saison. Qui a réussi à prendre des matchs quand les autres n'étaient pas forcément prêts. Mmh. Et qui depuis retrouve les standards qu'on nous a habitués. Quoi. La défaite contre les Knicks a sonné le glas de leur très bonne saison. Puisque par la suite, ils gagnent contre les Sixers. Mais ils gagnent de 2 points contre les Sixers juste après nous. Et après, derrière, ça a enchaîné les mauvais résultats. Non, ça y est. Fin eux, de la récré. Ouais, fin c'est de ça. La récré. Les Knicks ont sonné la fin de la récré. Bon, et puis derrière, notre groupe est au. Les Hornets avec 7 victoires. Les Nets avec 6. Les Pacers avec 5. Et les Wizards qui ont gagné quand même un petit peu, mais qui n'en ont que 3 aujourd'hui au compteur. Voilà pour le triste bilan du bas de cette conférence. Et bonne semaine pour les voisins new-yorkais. Qui, mine de rien, on fait une semaine en 3-1, du moins. Ils ont gagné Charlotte, ils ont gagné Chicago, et ils ont gagné les Pelicans. Bon, alors, attention, leur semaine, elle était que dans le bottom des deux conférences. Hein. Ouais, mais bon, il fallait aller chercher, quoi. Et ouais, et ils ont perdu contre le Jazz. Voilà, mais voilà. Justement, si tu nous parles un petit peu de la conférence Ouest, si tu as un petit peu un regard sûr. Sur cette partie. Alors, bon, que dire sur Oklahoma? Ils sont sur une série de 15 victoires maintenant. Ils ont perdu un match contre Portland. Un match début de la crise. Avec un écart de 2 ou 3 points. Et après, derrière, ils ont enchaîné 15 victoires. Là, ils sont sur une série de 15 victoires consécutives. Autant te dire que ils sont. Ils n'ont pas besoin du grec. Non, mais. Avec eux, ils seraient peut-être plus forts ou plus sûrs de leur force, mais sans eux, déjà, ils écrasent la ligue, en fait. Et puis là, il faut bien voir que donc ils ont eu le retour de Jalen Williams, mais là, ils ont Isaiah Hartenstein qui s'est blessé, mais ça n'empêche pas qu'ils sont avec un 23-1. Ils vont nous faire une Golden State 2016 ou une Bulls 96. Hein, c'est à ce rythme-là. Moi, je veux bien qu'ils nous fassent une Warriors 2016 où ça se termine par une victoire de la conférence Est à la fin. Moi, je veux bien. Ensuite arrivent donc les Los Angeles Lakers avec un bilan de 17-16. Le retour de LeBron qui est revenu et d'ailleurs qui a cassé sa streak de matchs à 10 points ou plus. Puisque cette fois-ci, il a... 1297, un truc comme ça. 2007, depuis 2007. Oui, ouais. ça fait 18 ans que le mec performe à plus de 10 points par match. Bon, ah, voilà. Incroyable. Ah, mais c'est LeBron. Un record de longévité qui sera jamais dépassé. Non. Il y a peu de chance. Hein. Il faut, ou alors, il faut réaliser, en fait, la longévité. C'est vraiment, en termes de marathonien de la NBA... On aime ou on n'aime pas le personnage, on aime pas ça le lui joueur, fait quel on âge, aime, on n'aime pas sa carrière. 41 il a 41, il va sur 42 ou un truc comme ça. Oh, le mec est incroyable. Et puis en plus, bon, il pète sa streak parce que autant c'est pour. Donc c'est le match contre Toronto, je l'ai regardé ce match en direct et la fin du match était incroyable. Et autant il peut mettre un layup, mais pour aller en prolongation. Et il décide de décaler Hachimura, qui scelle à 3 points. Tu tues le match et le ballon rentre au buzzer. un vrai buzzer beater. Non, incroyable. Non, LeBron est incroyable. Ensuite arrivent les Denver Nuggets qui sont sur 3 victoires consécutives alors qu'ils annoncent quand même le manque de Aaron Gordon. Mais cependant, ils continuent à gagner des matchs. Denver, c'est toujours... À partir du moment où t'as Nikola Jokic... Une valeur sûre. T'as Nikola Jokic. Une valeur sûre. Déjà, t'as fait la moitié de la victoire. Houston, 15-6. Ensuite, les San Antonio Spurs, 15-7, qui, bon là, ils ont perdu, mais qui arrivent quand même à gagner des matchs sans Wembanyama. Les Minnesota Timberwolves, ça va mieux pour eux. Là, ils sont sur une série de 5 victoires consécutives. Et ensuite, dans les places play-in, on a donc le Phoenix Suns en 13-10, les Golden State Warriors en 13-12, et ensuite, en négatif, les Grizzlies, 11-13, et les Portland Trail Blazers en 9-15, première équipe play-off du play-in, 9-15. Et après, arrivent les bons derniers, le Dallas Mavericks, 9-16. Alors attention, on est en train de parler aussi d'un trade futur d'Anthony Davis. Alors, il a été annoncé au Knicks, mais évidemment, parce que tout le monde est annoncé au Knicks. Mais voilà, donc ensuite, le Utah Jazz, 8-15. Et à la fin, les mauvais de la classe, les Kings de Sacramento en 6-17, les Clippers en 6-18. Qui ont qui ont des problèmes avec Chris Paul. Qui ont coupé Chris Paul, voilà. Ah, ça respecte plus les légendes. Ouais, bon, ils en ont fait un peu le bouc émissaire de ce mauvais début. Semble-t-il, il foutait le bordel. Il y a des tensions dans le vestiaire. Mais bon. Et dernier, les Pelicans en 3-21. Avec, ils sont sur une série de 6 défaites consécutives, la pire de toute la NBA, et ils présentent le pire bilan de toute la NBA, même derrière les Washington Wizards, mais qui ont un nombre de matchs inférieur à eux. Voilà, donc un peu pour la NBA. Mais ils ont du pire bilan, en plus ils n'ont même pas leur tour de draft pour la saison prochaine. C'est ça le pire, c'est incroyable. Leur tour de draft, c'est Atlanta qui l'a. Je sais plus c'est par un trade avant la draft. Et tu ne sais pas pourquoi ils ont envoyé, c'est Joe Dumars, hein, le GM des Pelicans, qui l'a envoyé, mais sans protection. Sans protection. En plus. Donc en fait, là, c'est du tout bénef. Atlanta va peut-être avoir en tout cas un top 3 de choix de draft, possiblement sûr. Parce que là, vu comment c'est parti, je ne sais pas comment les Pelicans vont pouvoir redresser la barre. Et peut-être à part un futur trade de Zion qui pourrait relancer l'équipe. Mais il a une valeur négative, Zion, actuellement. Tu vas récupérer quoi? Tu récupéreras pas 3 picks. Et surtout, c'est que tu récupères Ja Morant. Il est annoncé fortement au Miami Heat. Visiblement, Ja Morant ou Zion? Ja Morant. Il y a des grosses discussions entre le Heat et Spoelstra est suffisamment magicien pour lui créer un cerveau. Il peut lui créer un cerveau. Et attention, Spoelstra, attention, il peut en faire un joueur fiable. C'est un joueur qui a du talent, ça c'est certain. Qui pose problème. À Miami, ce sera du kit ou double. Soit en fait Spoelstra arrive à en faire quelque chose et ça marche, soit en fait ça explose en plein air et puis tu récupères jamais Ja Morant. Mais moi je penserais quand même, attention, Spoelstra. Okay. Voilà. Toi, tu vois déjà arriver à Miami et tu vois Giannis rester à Milwaukee. Ok, vous avez les pronostics des trades. Je pense qu'on est plus près quand même d'un départ de Ja Morant que de celui de Giannis. Hein. Visiblement, Ja Morant, il y a quand même vraiment de la friture sur la ligne. C'est un beau merdier là-bas. Donc, en tout cas, avec lui. C'est facile à déplacer, à bouger. Et puis Miami qui est en recherche d'une star depuis un petit moment. Parce que là, c'est à partir du 15 décembre que les contrats signés cet été vont pouvoir être bougés. Mais tu sais qu'il y a quand même plusieurs dossiers. Cette fin d'intersaison jusqu'à la deadline va être. Il y a le dossier de Trae Young, il y a le dossier de Ja Morant, il y a la Melo Ball, il y a le dossier de Giannis. Il y a quid des Dallas Mavericks. Quid des Sacramento Kings? Ils annoncent aussi qu'ils veulent les faire péter. Quid des Pelicans? Zion, tu en parlais. Les Pacers, comment ça revient? Donc, est-ce qu'à un moment donné, Chicago, est-ce qu'à un moment donné, ils vont vraiment appuyer en disant, bon, allez, Vucevic? Ils vont vraiment trade Vucevic. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Ouais, mais bon. Mais tu vois, Il y a plusieurs dossiers chauds cet Moi, été. tu vois, je vois bien Vucevic aller aux Kings contre Sabonis. Je sais pas, je sens les connexions entre ces deux équipes. Je pense que les front office ont leur numéro en favori. Mais tu sais que peut-être c'est que... tout à fait possible. Mais c'est oui. tout à fait possible. Mais attends, à partir du moment où ils sont... Associer Vucevic avec DeRozan et Lavine. Voilà une bonne idée. Et il se murmurerait qu'il serait peut-être aussi sur le dossier Lonzo Ball, mais... Ah, écoute, on n'est plus à une folie près. Bon, tout ça concerne essentiellement, vous l'avez compris, la conférence Ouest, qui est soi-disant plus forte que la conférence Est, mais qui a quand même un paquet de galères à gérer. Non, mais jusqu'à la deadline et la deadline, je pense qu'il y a pas mal de dossiers sympas. Ça va être sympa à suivre. Auparavant, on avait Photoshop, maintenant on a avec l'IA qui nous permet de générer tout un tas de visuels. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous avec la trade machine. Voilà. Nous, on va quand même se préoccuper de l'actualité et de la réalité. Recréer le roster des Bulls 2018 avec le maillot des Kings. Mais j'ai envie de dire, ce qui n'a pas marché à l'Est peut marcher à l'Ouest. Ou pas. Visiblement, on est sur du ou pas, mais. On est sur du ou pas. Allez, nous, cette semaine, ce qui va nous intéresser, ça va être la Cup. Et oui, la NBA Cup, c'est sa troisième édition. Les Lakers avaient gagné la première, les Bucks la seconde. Qui peut gagner la troisième? Eh bien, les Lakers pourraient, puisqu'ils sont toujours en course. Ils ont le deuxième spot des quarts de finale. Mais on va déjà regarder ce qui se présente, nous, côté Est. Je me mélange entre toutes ces conférences. À l'est du Mississippi, eh bien, on a les Knicks qui sont encore une fois qualifiés pour ces quarts de finale. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi à se qualifier pour aller jusqu'à Vegas. Alors, il était question à un moment de ne faire que la finale de la Cup à Vegas. Et puis finalement, ça marche plutôt pas mal cette histoire de Cup. Donc, il y aura bien saison, les demi-finales et la finale qui vont se jouer à Vegas. Josh Hart à Las Vegas, est-ce qu'on est prêt à ça? Very good trip, very bad trip. Mitch à Vegas, je sais pas. Kat à Vegas, il a tourné dans la pub pour annoncer la Cup. Donc, non, ça pourrait être sympathique en termes d'expérience pour le groupe. Et puis, moi, j'ai envie de dire, de toute façon, ces matchs comptent pour la saison régulière. Okay. Donc, on n'a pas intérêt à perdre des matchs pour dire on n'est plus dans la Cup. De toute façon, ça compte, ça rentre dans le bilan. Il n'y a que la finale. Qui fait le 83e match de l'équipe, des équipes qui seront finalistes. Et 83 matchs, c'est quelque chose que connaît Mikal Bridges, puisqu'il l'a déjà fait. Et oui, ça pourrait aller justement poursuivre son record de longévité, s'il veut effectivement détrôner Essie Green. Mais est-ce que ce 83e match compte pour un match de régulière dans la streak ou pas? Je sais pas, faut regarder. Alors oui, et puis après les stats, ça reste des stats. Je sais pas. Je sais pas s'il est comptabilisé dans tes records en carrière. Après, les matchs de play-off sont comptabilisés à part sur les compteurs de points, tout ça. Mais ouais, en cup, à voir. Bon, en tout cas, on va parler québécois, canadien plutôt. Non, parce que c'est Toronto, c'est pas au Québec, c'est au Canada. Calice, oui. Oui. Même s'il y a des francophones aussi à Toronto, oui. On en connaît la personne d'un certain Rowan Junior. Les Knicks joueront pour sûr, et ça on connaît ce calendrier-là, dans la nuit de mardi à mercredi face aux Toronto Raptors à Toronto. Donc match entre guillemets retour, les Knicks avaient accueilli les Raptors. Hein. Ça s'était joué à chez nous, j'ai un doute maintenant. Oui. Dernier match, 116-94, victoire des Knicks à la maison. À New York. Donc là, on avait un peu coupé la série, la bonne série des Raptors à l'époque. Mm-hmm. Match retour. Est-ce que RJ Barrett va revenir? Eh bien, ça, non. Tu vas nous le dire, toi, qui a un peu appelé le docteur. Et le docteur, il dit non. Le docteur, il dit que pour l'instant, il est toujours annoncé out. Donc pas de RJ Barrett et pas de Jamison Battle qui avait une place dans la rotation. Un mec que j'ai confondu avec George Niang. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ils ont un George Niang. Non, mais rien à voir, mais il se ressemble un petit peu, tu sais, à la télé. Bon, même morphotype. Ouais. Mais en fait, non, c'était Jamison Battle, mais il n'a pas joué contre les Celtics. Et donc, pour l'instant, il est en day-to-day. Mais RJ Barrett est annoncé out, en tout cas. Et il n'y a pas de... En tout cas, sur ESPN... de retour annoncé, probable, questionable. Sur ESPN, il n'y a toujours rien, toujours annoncé out. pas de retour. Et donc, comme on l'a dit, pour les Lakers, enfin pour les Lakers, pour les Raptors, leur bilan, voilà, sur les derniers matchs, défaite contre les Celtics 121-113, défaite contre Charlotte 111-86, donc quand même deux belles défaites, et défaite de 3 points rageante, et on en a parlé, contre les Lakers 123-120. Voilà, donc, et ils avaient gagné juste avant contre les Blazers 121-118, mais sur un match étriqué. Brandon Ingram est toujours là, Emmanuel Quickly est toujours là, Scottie Barnes est toujours là. Donc ils ont quand même toujours une Jacob belle... Jacob Poeltl, qui n'avait pas joué, sera de retour, parce qu'il a rejoué depuis. Jacob Poeltl est de retour, il sera là. Donc pour l'instant, on serait sur un 5 avec Quickly, Grimes, pardon, qui... visiblement, on n'est plus sur Jacob et Walter qui jouent dans ce poste 3. Barnes et Poeltl en 5. Voilà, avec Mamukashvili. Ouais, qui nous avait fait des dégâts la saison dernière lorsqu'il évoluait avec les Spurs. Ah ouais, ouais, je te rappelle, toi aussi, de ce match, il était en feu. Il a shoot à 3 points. Là, oh là là. Qui c'est ce mec qui a un nom imprononçable. Ah, il s'arrêtait pas. Rappelez-le Sandro. Sandro Mamou. Ouais, il était incroyable. Il était incroyable. Bon, cette fois-ci, ça se passera chez eux à la Scotiabank Arena. C'est ça le nom de la salle, je crois. Je crois. Bref, la salle de Toronto. Cher Adrek, ce qui est curieux, intéressant, paradoxal en tout cas, de voir que les Knicks aujourd'hui sont l'équipe de la conférence Est la mieux classée dans les 4 encore restants dans cette Cup, mais pour autant c'est le Orlando Magic qui a le poste 1, le seed 1, qui accueillera dans l'autre quart de finale le Miami du Heat, le Heat de Miami plutôt, le Miami du Heat, le Miami Heat, duel floridien, le Florico. Le Floridoco, qui se passera à Disney, pas dans la bulle. Ça avait plutôt souri au hit de Jimmy B à l'époque. Jimmy B n'est plus au hit. Mais voilà, ça sera un match intéressant aussi à suivre en quart de finale. Et puis les deux équipes proposent aujourd'hui le même bilan. Donc, entre guillemets, malheur au perdant qui rétrogradera dans cette. Ils se sont rencontrés déjà deux fois, ouais. Le Heat et le Magic. Et les deux fois, le Magic s'en est sorti victorieux. À chaque fois, des matchs très serrés. Le premier, c'était le premier de saison régulière. 125-121. Victoire à la maison du Magic. Et deuxième match, c'était donc là récemment, le 6 décembre, avec une victoire 106-105. Encore une fois, à la maison. Pour l'instant 2-0 du Magic contre le Heat. À voir si l'absence de Franz Wagner change la donne. C'est improbable parce que c'est un joueur qui a plutôt de l'importance dans le dispositif. Et Jalen Suggs aussi. Attention parce que hier il est sorti aussi sur blessure. Ouais. Il a quitté le terrain au quatrième quart-temps. Donc il a pris un coup à voir. Pour l'instant, côté Magic, les blessures, on a Franz Wagner et Jalen Suggs en day to day. J'ai envie de te dire que c'est un peu comme nous avec, ouais. Avec Deuce. Je pense qu'ils a... Sauf que je pense que Franz Wagner, ça risque d'être un peu plus corsé, peut-être sur quelques jours. Maurice Wagner est toujours annoncé out. Et Colin Castleton également. Et ensuite, du côté du Heat, on a Davion Mitchell, qui est comme Pelé Larson et Tyler Herro, qui sont en day-to-day. Et on a Terry Rozier, qui est toujours dehors. Donc on n'entend plus parler avec Chauncey Billups. Il doit avoir une grave blessure, je ne sais pas. Mais non, mais par contre, Tyler Herro, Pelé Larson et Davion Mitchell sont quand même des joueurs importants de la rotation d'Eric Spoelstra. À voir s'ils seront de retour contre la Magic, hein, parce que là ils sont notés day to day, donc très bien, ils peuvent bien revenir. C'est donc voilà. Une façon de les préserver aussi en vue des matchs qui maintenant vont compter. Et on sent aussi avec l'avancement dans cette compétition que les joueurs aussi ont un regain d'intérêt pour se qualifier. Et puis voilà, ce petit voyage à Vegas, ces petits matchs en plus. Après, ça donne un petit truc en plus pour ces joueurs, quoi. Après, ils ne sont pas sur une très bonne série. Hein. Je veux dire, les dynamiques sont quand même différentes. Même si hier, le Magic perd, mais il ne perd pas non plus de façon honteuse contre les Knicks. Ils perdent, donc ils sont quand même plutôt sur une bonne phase. Alors que le Heat et sur trois défaites consécutives, la dernière contre les Kings 127-111, c'est pas très beau. Tu as quand même des absences notables, on l'a dit, hein, la personne de Herod. Là, tu vois, l'homme providentiel du dernier match était Simone Fontecchio et Jaime Jaquez. Donc, tu vois, si j'avais une pièce à mettre, je dirais attention, Magic. Pour Magic. Ouais. Surtout à la maison. Même avec Wagner et Suggs qui sont. Suggs, je pense que Suggs serait peut-être plus en incapacité de jouer. Wagner moins. Ils ont noté le retour de Banchero. Mais de l'autre côté, il y a Andrew Wiggins. Tu vois, regarde, bah, Adebayo, là, c'est Kelly Ware. Ils ont Norman Powell qui surnage, mais. Aussi, la saison du 8, elle est, tu vois, elle est un peu bizarre. Un peu à deux visages, un peu difficile à lire pour l'instant. S'ils ont le retour des... Belle surprise de leur part en début, mais s'ils ont le retour des absents, si le Heat a le retour des absents, donc de Tyler Herro, Pelé Larson et Davion Mitchell, ça s'équilibre. Mais pour moi, pour l'instant, le Magic garde une cote favorable. D'accord. Et pour continuer de parler de cette cup, si on regarde de l'autre côté, bon, on a les redoutables et invincibles OKC Thunder qui, eux, vont affronter les Phoenix Suns. Bon, on a tendance à voir plutôt le Thunder favori dans cette histoire. L'année dernière, ils avaient perdu en finale, il faut s'en souvenir, contre les Milwaukee Bucks. Bon, au final, une défaite en cup, ça ne veut pas dire une défaite à la fin des playoffs. Moi, je veux bien. Mais ils auront peut-être envie de faire une sorte de doublé. Un peu, hein. Ils auront peut-être cette envie de faire un doublé, mais on va les donner quand même favoris face aux Suns. Et puis dans l'autre affiche de ces quarts de finale, on a les Lakers qui ont retrouvé un petit peu tout le monde, même si Luka a manqué quelques bouts de match ou quelques matchs. Et puis en face, les Spurs qui s'en sortent pas si mal que ça, même sans Victor Wembanyama. Est-ce que Victor Wembanyama va revenir pour cette cup? Est-ce qu'il va forcer un retour? Est-ce qu'au contraire, bah non, il est toujours pas en état de jouer? Ça va être aussi à observer. Intéressant, mais ça va faire match à enjeu, en fait, pour ces Spurs depuis l'arrivée de Victor. Qu'est-ce qui se dit sur les Spurs, là, en termes de blessures? Qu'est-ce qui se dit? Il se dit que, pour l'instant, il est toujours annoncé out. A participé pleinement à l'entraînement de dimanche, rapporte le journaliste qui est à San Antonio, Jeff McDonald, pour le citer. Non, je sais plus. Est-ce que... non, c'est pas lui. C'est Jeff McDonald, ok, je confondais avec quelqu'un d'autre. Moi. Non, ensuite, il note toujours l'absence de Stéphane Chateau. Qui n'est pas là. Ah oui, Stéphane Chateau. c'est avec lui que je confondais. Voilà. Luke Cornett est aussi annoncé en day-to-day. Et Jordan McLaughlin. Donc, mais bon, tu as quand même Luke Cornett, Stéphane Castle et Victor Wembanyama, trois absences importantes. Surtout Victor Wembanyama, mais même le rookie de l'année, le sophomore Castle. J'espère qu'ils seront revenus, parce qu'attention, les Lakers, ils sont chauds. attention, ça peut faire des affiches intéressantes. Alors, à voir, effectivement, avec ou sans Victor, ça va changer la donne. Ceci dit, même avec Victor, c'est pas gagné qu'il puisse passer les Lakers. Et les Lakers sont aussi capables de se louper. Donc, un quart de finale intéressant à observer. Je sais que je pense que tu as Mickey qui est comme ça parce qu'il se dit on peut avoir d'un côté à l'Est, les finales de conférence, Heat, Knicks. Rivalité historique à la télé, ça se vend bien. Et de l'autre côté, tu peux avoir OKC, l'équipe du moment, vs Lakers, ça se vend bien aussi. Tu vois ? Bah c'est ça. Donc, au-delà de cette cup, tirer un peu par les cheveux, compétition qui arrive alors qu'elle est déjà dans la régulière, les gens comprennent pas forcément l'intérêt, le pourquoi de la chose. Et ben voilà, on a des affiches qui sont quand même tout de même assez intéressantes. Donc voilà pourquoi cracher dessus un petit OKC Lakers. Je pense que ça s'accepte, ça se regarde bien. Ah oui, puis avec un match en jeu. Les Spurs se glissent un petit peu dans ce dernier carré à Vegas. Pour sûr, on va dire ah ouais, c'est pas mal la cup. Regardez Victor, il est dans les matchs en jeu, comment il se comporte. Donc il y a de l'intérêt dans tout ça. Les Knicks sont encore une fois de la partie. Pourquoi pas essayer d'aller le plus loin possible et puis gagner de l'expérience. gagner de l'expérience par ces matchs à élimination directe, c'est pas des playoffs, ça n'a rien à voir. Mais voilà, Mike Brown, nouveau coach d'Enix, est-ce qu'il va faire mieux que Tom Thibodeau ? Ça peut être ce qui manque à cette jeune équipe de Raptors, qui peut être les Knicks ont l'habitude de jouer sur ces dernières années les playoffs avec ce groupe qui a évolué, mais finalement un peu assez, enfin sur les deux ans. Tu vois, bon, il y a eu quelques petits ajouts, mais un noyau dur est resté. À voir comment se comporte cette équipe des Raptors, qui aura l'avantage de jouer à la maison, mais dans un match justement à élimination directe. Et on l'a vu que les équipes cette année aimaient jouer la Cup et ça jouait à la Cup. Donc ouais. Voilà, c'est. Ça va être intéressant à voir. Je préfère voir ça qu'un blowout face au Jazz, typiquement. Et puis le Magic aussi, ça qui est un peu en recherche de sensations. Oui, après, ça peut être un blowout, on se qualifie et youpi. Mais ce que je veux dire, des matchs accrochés, des matchs en jeu, des matchs disputés où chaque coup est rendu, où chaque carton est joué à la moitié, comme diraient d'autres. Et bien voilà, c'est ce qui fait aussi ce qu'on aime quand on regarde des matchs de playoff et qu'on retrouve d'une certaine façon à dose homéopathique sur cette cup. Donc voilà, pour sûr, on va suivre tout ça et peut-être que cette année, on ira à Vegas. Alors nous, peut-être pas, mais l'Enix, peut-être. La coupe voilà. À la maison. La coupe à la maison. Ah, je serais pas contre une petite finale, tu vois quoi. Ça permettrait aussi de donner un peu de légitimité à ces Knicks qui Knicks avance Lakers. Un petit peu caché. Knicks Lakers en finale. Alors justement, si on fait un petit pronostic, parce que là cette semaine, ok, on a un match sûr, Knicks contre Raptors. Si on perd, bah, on jouera contre le perdant de ce Magic Miami Heat. Si on gagne, on jouera contre ce vainqueur Miami Heat Magic. Donc difficile de se projeter sur le calendrier, mais voilà, déjà un premier pronostic face aux Raptors. Les Knicks, ils gagnent ou ils perdent ? Moi, je serais tenté de dire, et puis parce que j'ai gagné, il faut le rappeler, le pronostic la semaine dernière, je prends la primeur sur le prono. Moi, j'ai envie de voir les Knicks gagner. J'ai envie de les voir gagner. J'ai envie d'aller voir à Vegas. Ça fait deux ans qu'ils, entre guillemets, se loupent et vont pas. On tombe contre les Bucks la saison dernière. Bon, les Bucks, ça me semblait un peu plus mature, un peu plus fort, avec un joueur dominant qui est Giannis. Les Raptors, belle équipe. Ça rentre dans le rang. On a su les battre une première fois. OK, il y a le retour de Jacob Potel. Je pense que Karl Anthony Towns sera de la partie. Là, il a été ménagé pour une rencontre. On n'a pas vraiment trop de détails sur. À voir la blessure de McBride aussi, mais Ça doit être suffisant pour. Non, et puis après sa blessure, il faut quand même se rappeler qu'il a tiré ses deux lancers francs, qu'il a rejoué encore un tout petit peu derrière, qu'il est sorti. Donc, bon, la radio s'est avérée négative. Autant ça peut être qu'un coup, un peu de machin, un peu de truc, un peu de strap, et puis allez, on y va, quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a un point de détail qui est super important. On n'en a pas tellement parlé sur cette émission. C'est le retour de OG Anunoby. Deux matchs. Un premier sur la pointe des pieds, voilà, retour tout doux. Le deuxième, déjà, sur un match disputé face au Magic. Clairement plus saignant. Et les Raptors OG. Et le match contre et les là, Raptors. Les Raptors, voilà, il y a du storytelling, vous le savez. OG vient d'où ? Il vient du Toronto, des Toronto Raptors. Et oui. Il a fait ses débuts en NBA là-bas. Il a acquéri sa première bague de champion. C'est le seul champion NBA de l'effectif, faut le dire. Face à ces Raptors, donc un retour à Toronto, ça ne sera pas un match tout à fait comme les autres. Bien sûr, il y aura le parquet. Bien flashy, je sais pas à quelle couleur ils jouent en rouge leur parquet là. C'est pas. Ça risque de piquer les yeux. Hein. À Vegas, on aura sûrement quelque chose d'un peu plus nuancé puisque toutes les équipes joueront dessus. Mais voilà, moi j'ai envie de croire en cette victoire d'Enix face aux Raptors. Ça serait bien aussi de les mettre un petit peu plus dans le rétro, reconsolider cette seconde place de la conférence Est. Et je pense que c'est à la portée d'Enix. Après. Floride contre Miami, contre Orlando, pour l'instant difficile de savoir. Est-ce que les Knicks seraient favoris face au Heat ? Pas sûr. Est-ce qu'ils seraient favoris face au Magic ? Pas plus sûr. Et puis ça sera dans un contexte spécial à Vegas. Mais quitte à aller à Vegas, bon, allez, faut aller jusqu'en finale quoi. J'ai envie de voir les Knicks entre guillemets représentants de l'Est en ce début de saison à Vegas, donc moi j'ai envie de dire peu importe, même si on n'est pas favori et pas non plus franchement outsider, ça se jouera sur un match, tout peut se passer, mais j'ai envie de voir les Knicks moi en finale, puis après advienne que pourra, et ça on en parlera la semaine prochaine, puisque le match de la finale aura lieu, c'est quoi, c'est dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine prochaine à Vegas, Donc pour moi, victoire des Knicks face aux Raptors. Et peu importe quel Floridien se présente, ça sera peut-être un match accroché parce que devant les deux équipes, ça joue dur. Mais on se qualifie pour la finale. Voilà mon pronostic. Plutôt d'accord. Je pense qu'on peut les taper en ce moment. Toronto dans un mauvais mood là. Ça, en plus, ouais, c'était les trois défaites consécutives. C'est trois défaites à la maison. En plus, hein, c'est des matchs à la maison. Alors peut-être qu'ils vont essayer de conjurer la tendance du moment. Mais comme tu l'as souligné, on a aussi nous le retour d'OG Anunoby qui va être mis sur Brandon Ingram. C'est pas cadeau, c'est pas génial pour Ingram, je parle. On a quand même des arguments à faire valoir dans cette cup. Donc je pense qu'on est dans la capacité à pouvoir remporter ce match. Et derrière, j'espère juste pas rencontrer le hit de Spoelstra, parce que ben moi Spoelstra c'est quelqu'un que j'estime. Bon, que j'estime énormément, et dans des matchs comme ça, lui, il les connaît. Lui, il sait comment arriver à faire déjouer une équipe. Il sait, enfin voilà. Donc moi, Spoelstra, je m'en méfie comme de la gale, quoi. C'est un super méga bon coach. Donc s'il venait qu'à passer ce tour contre le Magic, il faudra passer ce tour contre le Magic, c'est pas gagné. Mais s'il le passe, attention. Le hit, ok, le hit de Spoelstra, attention. Donc voilà, donc écoute, allez, moi je te suis là-dessus. Je te dis okay. 2-0. Je te dis on tape les Toronto Raptors et on se qualifie pour la finale. Ça me semble pas mal. Et si on fait un petit coup de science-fiction, qui on voit sortir de l'Ouest, du tableau de l'Ouest? Ben, c'est sûr que le favori tout désigné est OKC. Le favori tout désigné est OKC. Mais toujours pareil, dans un match en confrontation directe, je pense que la finale sera OKC-Lakers. Les Lakers sont vraiment très forts et je pense qu'il manquera peut-être un peu trop de talent aux Spurs pour arriver justement à trop les titiller. Et OKC dans sa lancée, ça va dérouler, il n'y a pas de problème. Donc, mais je pense que la finale va être contre les Lakers, c'est là pareil. Comme pour le hit de Spoelstra, match à élimination directe, attention LeBron, attention attention Luka. Attention ces joueurs-là. Mais tu vois, déjà, on a deux mecs qui, en la personne de Doncic et surtout LeBron, connaissent ces ambiances, connaissent ces moments-là, savent se sublimer dans ces moments-là. Les Lakers sont les Lakers sont éternels. Donc, qui va sortir de là? Là, clairement, je peux pas en parler, je peux pas dire. OKC, okay, Lakers. La tendance voudrait OKC, okay, mais les Lakers. Je dis Lakers. LeBron, on sent que ça sent la fin, ça se rapproche. Son coup de pub là pour NC là en début de saison là, pas décision. Et puis il a des blessures. Il a une petite cup. Il a des blessures de vieux. Il a des blessures de vieux en plus. Il a sa sciatique. Il a de l'arthrose. Et il commence. Et tu vois, il commence à avoir l'âge de 40 balais. Hein. Chapeau à lui. Mais il commence à être rattrapé un peu par les blessures de vieux là, les trucs. Tu sais, oh, j'ai mal au dos et la petite chauffeuse et la petite truc. Donc c'est peut-être son tour d'honneur. Donc il voudra tout donner. Et non, les il faut jamais enterrer les Lakers, jamais. Un peu comme les Celtics, on peut pas enterrer certaines équipes. Les Knicks, on les a enterrés souvent, à juste titre. C'est pas le même background, les Lakers. C'est clairement pas. Mais du coup, moi, je vois les Lakers arriver. Et un petit Lakers-Knicks en finale. Ça, en termes d'audience. GB vs Doncic. En plus, voilà quoi. C'est... Bon, après, OK, ici, il y a Artie contre les Knicks. Bon, il y a des choses intéressantes. Non, finalement, cette cup, elle nous hype un peu quand même, il faut le dire. J'espère que vous aussi, au regard de ce bracket, vous êtes plutôt intéressé par cette mini-compétition match à élimination directe. On est un petit peu dans les délires universitaires, Final Four et compagnie. Il faut accepter ça et profiter du spectacle. Oui, il y a de l'argent, mais en même temps NBA égale argent, donc. Est-ce que t'as vu que dans la famille des Nova Boys, il y en a un dernier là qui est en train de s'ajouter à la liste de ceux qui réussissent, le Colin Gillespie de. Celui-là, j'ai pas suivi. Colin Gillespie, c'est ou Gillespie. je pense qu'on dit Gillespie. Ah, c'est ça, c'est... la prononciation n'est pas bonne. Ah, pardon. C'est vraiment la petite révélation des Suns en ce début de saison. Oui, avec sa petite moustache là. Un arrière, un petit blanc, un arrière là qui score à tout va. Et en fait, bah, ce type là a fait partie de l'équipe de Villanova, a fait partie de l'équipe de Villanova des Nova Boys, de Jalen Brunson qui a un poteau. Okay, okay. Okay. De Mikal Bridges, qui est un poteau, de Hart, de... alors pas Hart, mais de Dante DiVincenzo, parce qu'Hart était déjà parti, de... mais il est du second titre avec un vrai rôle. Okay. Donc okay. C'est un proche de la famille des Nova Boys, donc voilà, c'était marrant bon, de se alors, souligner, ok, ok, d'accord, une finale Suns-Knicks, ok. Grosse cote, quoi, grosse cote. Hein. Putain, alors là, ouais. Hein, ou alors, sinon, une grosse cote, qu'est-ce qui serait la plus grosse cote? Un petit Suns-Raptors, je veux dire, personne, voilà. C'est vrai que... Grand monde a parié dessus. Alors, Suns-Raptors, ouais, je pense que tu mets 10 centimes, tu gagnes un million. Hein. C'est... Vegas, clink, clink. Bon, bah, en tout cas, dites-nous en commentaire les audiences, c'est pas clink, clink. Les audiences, c'est... bon, si Canada gagne un deuxième titre... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, le Canada... C'est vrai que, ceci dit, c'est vrai que je suis con là-dessus, parce que c'est vrai que les Toronto Raptors, on l'a vu, mais ils sont hyper suivis au Canada, et du coup, ouais, s'ils vont en finale, ouais, ça... Alors, par contre, on sera pas sur des records d'audience, hein, mais en termes nationaux, il y aura un suivi. Il y aura un suivi. En tout cas, il y a des jeunes équipes, il y a des équipes un peu plus confirmées, un peu plus sûres d'elles. Voilà, on verra comment les Knicks vont se comporter là-dedans. Mm. On a envie de dire qu'il y a matière à aller un peu plus loin que d'habitude. Et puis, ça fait une sorte de répétition avant les échéances du printemps. Le printemps, c'est encore loin. Il faut prendre la forme du moment et profiter pour essayer, pourquoi pas, de glaner un petit trophée de plus. Hein. C'est pas comme si notre vitrine en débordait. Bon. On va bientôt rendre l'antenne. On vous rappelle la sortie du t-shirt des futurs champions de la Cup. Ah bah tiens, on aurait peut-être pu mettre une sorte de Cup là-dessus en plus. sait-on jamais. Si on est champion, on peut faire un petit ajout. Allez. Bref, en tout cas, tout ça, c'est pour vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à renouveler ou à prendre votre adhésion à l'association. Bien sûr, il y a aussi toutes les activités et les événements qu'on propose. Le voyage, ça va se fermer prochainement. Donc, si vous voulez partir à Washington et New York en février prochain, foncez, parce que c'est les derniers instants. Ça serait quand même dommage de rater le premier match de Giannis avec le maillot des Knicks, quoi. Tu l'as dit. Après, hein, là, si les gens veulent pas, ils veulent pas. Hein. Le premier match de Giannis avec le maillot des Knicks contre les Denver Nuggets de Jokic. Je veux dire, on peut pas faire mieux. Tu spoil les gens, mais voilà quoi. Après, vous voulez pas venir, c'est votre problème. Nous, on essaye de vous donner les raisons tout à fait rationnelles, mais bon, voilà. On va appeler Léon, on va essayer de consolider tout ça. Et puis, restez à l'affût, parce que j'ai ouï dire qu'avec cette cup, peut-être qu'il y aura un petit cadeau à gagner. Est-ce qu'on vous enverrait pas à Vegas? Le DVD de Very Bad Trip? Non, c'est du ça. La VHS, encore mieux. Non, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a une petite surprise qui s'annonce. C'est pour ça que j'ai mis le plafond du Madison Square Garden en mode Noël. Est-ce que c'est le concours de Noël? Est-ce que c'est autre chose? J'ai parlé de Vegas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le pouce, la cloche, le petit commentaire, vos pronostics, tout ça. On vous retrouve, quoi qu'il arrive, lundi prochain, même endroit, même heure. On verra si les Knicks sont à Vegas ou s'ils sont revenus du côté du Madison Square Garden. En tout cas, voisin du dessous, je te souhaite une bonne semaine. Olivier. Et puis, portez-vous bien. Knicks in six. Bah non, il n'y a pas autant de matchs à jouer cette semaine. Mais Knicks à Vegas, ouais, pourquoi pas. Ça peut être Knicks allez. In fouille. 3-0. Allez, 1 et 2 et 3-0. Bon, la finale, vous le savez, c'est la semaine prochaine. D'ici là, on aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode 139. Le 138, c'est terminé. À bientôt, les amis. Et n'oubliez pas, salade tomate oignon. Ciao, ciao.